Exercice 3, page 43. A. Les, le, la. B. C'est, ce, ça. C. Mais, me, ma. D. T, te, ta. E. C'est, ce, ça.